السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، chers frères et sœurs, nous continuons avec la permission d'Allah Azza wa Jal la lecture et l'étude de l'épître Fada'il al-Qur'an, les mérites du Qur'an, du noble Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Nous sommes dans la quatrième et dernière assise. Demandons à Allah Azza wa Jal de nous octroyer la réussite et de nous assister. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضائل القرآن. L'auteur du livre رحمه الله تعالى dit dans son épître Les mérites du Coran, باب ما جاء في الجدال في القرآن, le chapitre concernant la polémique dans le Coran, c'est-à-dire la menace qu'il y a sur celui qui polémique par le Coran en voulant repousser le vrai, en voulant repousser le vrai par le faux. قال المؤلف, l'auteur du livre a dit, قال أبو العالية آيتان ما أشدهما على من يجادل في القرآن قوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا وقوله وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. D'après Abu al-Aliyah, rahimahullahu ta'ala, qui a dit, deux versets dans le Coran, il n'y a pas plus dur pour celui qui polémique dans le Coran. La parole d'Allah, azza wa jal, dans le sens du verset, seuls ceux qui ont mécru discutent les versets d'Allah, dans la continuité du verset, que leurs activités dans le pays ne te trompent pas. Et la parole d'Allah Azza wa Jal dans le sens du verset et ceux qui s'opposent au sujet du livre sont dans une profonde divergence. L'imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala a dit en commentaire du premier verset, Allah nous informe que seuls les mécréants polémiquent dans les versets ou signes d'Allah. Ce qui est voulu de la polémique dans ce verset, c'est le fait de rejeter la vérité, les signes d'Allah, en leur opposant des arguments faux. Il dit plus loin, l'homme ne doit pas se laisser induire en erreur par la situation matérielle de quiconque dans ce bas monde. En croyant que les faveurs qu'Allah Azza wa Jal accorde à cette personne est une preuve de son amour envers elle, ou que cette personne est dans la voie de la vérité. C'est pour cela qu'il a dit, que leurs activités dans le pays ne te trompent pas. Nous retenons de ce verset que le fait de polémiquer dans le Coran fait partie des agissements des négateurs. De même, l'abondance de biens matériels ou d'argent n'est pas une preuve d'amour d'Allah Azza wa Jal envers la personne, car Allah Azza wa Jal donne ce bas monde à celui qu'il aime et à celui qu'il n'aime pas, mais il ne donne la foi qu'à celui qu'il aime. قال المؤلف رحمه الله, l'auteur du livre a dit, عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جدال في القرآن كفر رواه أحمد وأبو داود وإسناده جيد. D'après Abi Hurayra رضي الله عنه, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, La polémique dans le Coran est un acte de mécréance. Hadith rapporté par Ahmed et Abu Daoud. Ce qui est voulu par la polémique dans le hadith, c'est la polémique dans le faux. Nous retenons de ce hadith la gravité de polémiquer par le Coran dans le faux. قال المؤلف رحمه الله وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتمارون في القرآن فقال إنما أهلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوا وَمَا جَهِلْتُمْ فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ. Dans le hadith de Amr ibn Shu'aib, d'après son père, d'après son grand-père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu des gens se disputer, polémiquer par le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Ceux qui vous ont précédés ont péri à cause de cela », c'est-à-dire la polémique dans le Coran. Ils frappaient des parties du livre d'Allah avec d'autres parties, alors que le livre d'Allah a été révélé pour que chacune de ces parties atteste de la véracité de l'autre. Alors n'utilisez pas certaines parties du livre pour démentir d'autres parties. Ce que vous connaissez du livre, dites-le, et ce que vous ignorez, laissez-le à celui qui le connaît. Hadith rapporté par Ahmed. Nous voyons à travers ce hadith l'interdiction de polémiquer par le Coran dans le faux. De même, nous voyons que les communautés avant ont péri à cause de cela, de polémiquer dans le faux. Nous voyons également l'interdiction de frapper une partie du livre par une autre partie du livre en voulant par cela rejeter la vérité. De même, il est obligatoire de revenir aux gens de science sur ce qu'on ignore du livre d'Allah. L'auteur du livre passe au chapitre suivant. Il dit « Babu ma ja'a fi l'ikhtilafi fi l'Qur'an fi lafzihi aw ma'naa » Le chapitre concernant la mise en garde de la divergence avec le Qur'an dans ses mots et dans son sens. L'auteur du livre veut à travers ce chapitre mettre en garde contre le fait de diverger avec le Coran dans ses mots, c'est-à-dire de diverger les uns des autres dans les différentes lectures qui ont été rapportées de manière authentique. Dans ses mots, la divergence avec le Coran dans ses mots, c'est-à-dire dans les différentes lectures qui ont été rapportées de manière authentique. Et dans ses sens, dans son sens, c'est-à-dire en donnant un sens au Coran qu'Allah Azza wa Jal n'a pas voulu. Car le Coran a été révélé pour unir et non pas pour diviser les gens. قال المؤلف l'auteur du livre a dit وقول الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. Dans le sens du verset, or ils ne cesseront d'être en divergence sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde. Surat Hud, versets 118 et 119. L'imam al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, a dit en commentaire, ou a dit concernant la parole, « Or, ils ne cesseront d'être en divergence. » Il dit, « De par la sagesse parfaite d'Allah, ils seront toujours en divergence du droit chemin, suivant les sentiers qui mènent au feu. » Chacun voyant la vérité dans ce qu'il dit et l'égarement dans la parole d'autres que lui. Sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Ceux-là, Allah les a guidés vers la science par la vérité, la concordance dans cette voie. Ces gens-là sont destinés pour être des bienheureux, car ils sont soutenus par l'attention d'Allah et son assistance. Nous retenons de ce verset que les gens sont constamment en divergence du droit chemin. Et ceci selon la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Nous voyons également que la guider est une faveur et une miséricorde de la part d'Allahu Azza wa Jal. Nous voyons également que la divergence n'est pas une miséricorde, comme ceci est faussement attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, car cette parole est une parole qui n'est pas authentique. Qui n'est pas authentique et c'est une parole qui est faussement attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, cette parole contredit clairement les versets, les ahadiths qui ordonnent de s'unir et de ne pas diverger. La divergence est donc un mal et un châtiment. قال المؤلف رحمه الله وقوله كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. Dans le sens du verset, les gens formaient à l'origine une seule communauté croyante. Puis après les divergences, Allah envoya des prophètes. Dans la continuité, comme annonciateurs et avertisseurs, et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité pour régler parmi les gens leurs divergences. Sourate Al-Baqara, verset 213. Abdullah ibn Abbas a dit en commentaire de ce verset, il y a eu entre Nuh et Adam, alayhim as-salam, 10 siècles. Tous étaient sur la législation d'Allah, c'est-à-dire le tawhid. Lorsqu'ils ont divergé, c'est-à-dire lorsqu'est apparu le polythéisme, Allah envoya les messagers et prophètes en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. L'imam As-Sa'di, rahimahullahu ta'ala, a dit en commentaire de ce verset, c'est-à-dire que les hommes étaient tous dans la voie de la guidance, et ce pendant 10 siècles. Ensuite, ils finirent par diverger entre eux. Les uns mécrurent, les autres restèrent sur la religion. Allah envoya alors des messagers pour trancher leurs différends. Nous voyons à travers l'explication de ce verset qu'Allah Azza wa Jal a envoyé les prophètes et les livres pour unir et rassembler les gens sur la vérité qui est le tawhid. قال المؤلف رحمه الله L'auteur du livre a dit وفي المسند عنه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا وقال بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج كأنما فقئ في وجهه حب الرمان فقال أبي هذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا إنكم لستم مما هاهنا في شيء فانظروا الذي أمرت به فاعملوا به والذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. L'auteur du livre rapporte, d'après Amr ibn Shu'aib, d'après son père, d'après son grand-père qui a dit qu'un groupe de gens était assis auprès de la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains dirent, n'est-ce pas qu'Allah a dit telle et telle chose? Et les autres disaient, mais n'est-ce pas qu'Allah a dit telle et telle chose? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant entendu cela, est sorti. On voyait comme expression sur son visage, comme si on avait éclaté sur son visage des graines de grenade. Il leur dit, est-ce cela qui vous a été ordonné? Est-ce pour cela que vous avez été envoyé de frapper le livre d'Allah en utilisant une de ses parties pour frapper une autre? Les nations qui vous ont précédé se sont égarées pour ce genre d'agissement. Regardez dans le livre d'Allah ce dont vous avez été ordonné, mettez-le en pratique et ce qui vous a été interdit, délaissez-le. Hadith rapporté par Ahmed. Nous voyons à travers ce hadith l'interdiction de frapper le livre d'Allah en utilisant une de ses parties pour frapper une autre. Nous voyons également que cette pratique fait partie des pratiques des nations précédentes. Nous voyons également que ces pratiques mènent à l'égarement. Il y a clairement dans ce hadith l'interdiction de diverger avec le Coran. L'auteur du livre passe au chapitre suivant. Il dit « Bab idha ikhtalaftum faqoumou. Bab idha ikhtalaftum faqoumou. » Chapitre « Si vous divergez, levez-vous. » Si vous divergez, levez-vous. Ce chapitre est en lien avec le chapitre précédent. L'auteur du livre veut à travers ce chapitre nous montrer la manière d'agir ou comment agir lorsqu'il y a une divergence dans une assise. قال المؤلف, l'auteur du livre a dit في الصحيح عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. D'après Jundub radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lisez le Coran tant que vos cœurs sont unis à lui. Dès que vous divergez, alors levez-vous. » C'est-à-dire, arrêtez cette discussion et mettez-y un terme. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Nous voyons à travers ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne de se lever et de mettre un terme à cette discussion pour couper court à la divergence. قال المؤلف رحمه الله ولهما عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وإن عندنا كتاب الله حسبنا وقال بعضهم بل ائتوا بكتاب فاختلفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا عني ولا ينبغي عند نبي تنازع. D'après Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il était malade, apportez-moi de quoi écrire ou un livre pour que je rédige un livre par lequel vous ne vous égarerez jamais. Omar radiallahu anhu a dit à ce moment, certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est touché par la souffrance, la douleur de sa maladie. Et nous avons le livre d'Allah qui nous suffit. D'autres ont dit, non, apportez un livre. Ils ont divergé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, levez-vous et éloignez-vous de moi, car il ne convient pas de diverger auprès d'un prophète. Ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Nous voyons à travers ce récit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de se lever lorsqu'ils ont divergé. L'auteur du livre passe au chapitre suivant. Il dit « Bab qawli Allah ta'ala wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbihi fa'a'rad anha » Chapitre concernant la parole d'Allah Azza wa Jal dans le sens du verset « Et qui est plus injuste que celui à qui on fait le rappel des versets de son Seigneur puis s'en détourne ?» L'auteur du livre veut à travers ce chapitre mettre en garde contre le fait de se détourner du rappel après avoir entendu le rappel des versets. L'imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala a dit en commentaire de ce verset « Allah le Très-Haut nous informe qu'il n'y a pas plus injuste et criminel qu'un homme à qui on rappelle les versets d'Allah, à qui on a éclairci la vérité du faux, la guidée de l'égarement, mais qui ne veut pas se rappeler, et se détourne du rappel, en oubliant ce qu'il a commis comme péché et néglige le fait qu'il soit observé par le connaisseur de l'invisible. Celui-là est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah ne sont pas parvenus et à qui on n'a pas fait le rappel, dans la mesure où celui qui fait des péchés en connaissance de cause est plus coupable que celui qui n'agit pas ainsi. Nous voyons à travers ce verset, l'explication de ce verset, que celui qui se détourne du livre d'Allah, c'est-à-dire dans sa lecture, sa mémorisation, son enseignement, sa méditation et sa mise en pratique, est la personne la plus injuste. Car il entend la parole de ses seigneurs, de son Seigneur, puis se détourne de celle-ci. قال المؤلف الأوتور دو ليف أدي قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس d'après Abdullah ibn Mas'ud, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: l'orgueil, c'est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens. Hadith rapporté par Muslim. Le hadith en entier: le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: n'entrera pas au paradis celui qui a dans le cœur un atome d'orgueil. Un homme qui était présent a dit: l'homme aime porter de beaux vêtements et de belles sandales ou chaussures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: Allah est beau et aime la beauté. L'orgueil, c'est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens. Le grand savant, le cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah ta'ala, a dit en commentaire de ce hadith: l'orgueil, c'est de rejeter la vérité lorsque cette vérité contredit ses passions, et de mépriser les gens en les rabaissant, en se voyant au-dessus des gens, car ces gens ne sont pas en concordance avec ses passions. Il dit: il convient aux croyants d'être loin de ce genre d'agissement ou de comportement, et de prendre garde contre l'orgueil et l'autosatisfaction et de tout ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit. On voit à travers ce hadith que celui qui entend le rappel d'Allah puis se détourne aura rejeté la vérité. De même, il est sous la menace de faire partie de ceux qui n'entreront pas au paradis à cause de cet orgueil. قال المؤلف الأوتور دو ليف أدي وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أكبر الذنوب عند الله أن يقال للعبد اتق الله فيقول عليك بنفسك. D'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui a dit: parmi les plus grands péchés auprès d'Allah, le fait qu'il soit dit à un serviteur: crains Allah, et qu'il, ce serviteur, réponde: occupe-toi de toi. Ce hadith a été mentionné dans le tafsir de l'imam al-Tabari rahimahullahu ta'ala, lorsqu'il a mentionné le verset dans surat al-Baqarah: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْنِ. Dans le sens du verset: et quand on lui dit crains Allah, l'orgueil criminel s'empare de lui. L'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala a dit en commentaire de ce verset: lorsqu'on dit aux corrupteurs sur terre de craindre Allah, ils s'enflent d'orgueil et rejettent la vérité. Il a alors uni entre le fait de commettre des péchés et d'être orgueilleux envers celui qui l'a conseillé. On dit à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu: crains Allah, alors qu'il était gouverneur. On lui dit: crains Allah. Il répondit: il n'y a aucun bien en nous si nous n'acceptons pas cette parole, et il n'y a aucun bien en vous si vous ne nous dites pas cette parole. Nous voyons à travers le récit de Abdullah ibn Mas'ud la gravité de se détourner, de s'enfler d'orgueil et de rejeter le rappel d'Allah. Nous voyons également qu'il est obligatoire d'accepter le rappel d'Allah et le conseil qui est basé sur le Coran et la Sunna, bien sûr, en préservant par cela les règles de bienséance. قال المؤلف l'auteur du livre a dit وفي الصحيح عن أبي واقد الليثي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس أو فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحى فاستحى الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. D'après Abi Waqid al-Layfi, radiallahu anhu, qui a dit, alors que nous étions en compagnie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la mosquée, quand soudainement trois personnes sont venues, deux se sont dirigées vers le prophète, et une personne est repartie. L'une des deux personnes a trouvé une place dans l'assise, il prit place. Quant à l'autre, il prit place derrière l'assise. Quant au troisième, il s'en alla. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam termina, il dit à ses compagnons, « Ne vous informerai-je pas sur ces trois hommes ?» Quant au premier, il a cherché refuge auprès d'Allah, Allah l'a alors abrité. Quant au deuxième, il a éprouvé de la pudeur, Allah en a eu envers lui. Quant au troisième, il s'est détourné, Allah s'est détourné de lui. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Nous voyons à travers ce hadith, nous retenons de ce hadith, la gravité de se détourner du Coran. De même, la conséquence de cela, de se détourner du Coran, sera qu'Allah Azza wa Jal se détournera de cette personne. Et celui dont Allah s'est détourné de lui est certes dans la perdition. Nous retenons également de ce hadith les mérites de l'assise de science. Les mérites de l'assise de science. D'ailleurs, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit concernant ce hadith, il dit, il suffit comme bienfait pour l'étudiant qui cherche la science le simple fait qu'Allah l'abrite et ne se détourne pas de lui. On demande à Allah Azza wa Jal de nous abriter et on lui demande de ne pas nous laisser à notre propre personne, ne serait-ce le temps d'un clin d'œil. L'auteur du livre passe au chapitre suivant. Il dit « Babu ma ja'a fi taghanni bil Qur'an » Chapitre concernant le fait de psalmodier le Qur'an, qui est le dernier chapitre. Chapitre concernant le fait de psalmodier le Qur'an, c'est-à-dire d'embellir et d'élever sa voix sans exagérer ceci en recherchant par cela la face d'Allah Azza wa Jal ou la récompense d'Allah Azza wa Jal. قال المؤلف رحمه الله لوتر دو ليف ادي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اذن الله لشيء اذن لنبي ان يتغنى بالقران وفي روايه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقران يجهر به اخرجاه دابخي Abi Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah n'a pas écouté quelque chose de meilleur que l'écoute d'un prophète psalmodier le Coran » et dans une autre version « Allah n'a pas écouté quelque chose de meilleur que l'écoute d'un prophète embellissant sa voix et élevant sa voix. » Ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Nous voyons à travers ce hadith la permission d'embellir sa voix lors de la récitation du Coran. Nous voyons également qu'Allah aime que la personne embellisse sa voix lors de sa récitation du Coran, à condition de ne pas exagérer dans cela. قال المؤلف رحمه الله وعن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن رواه أبو داود بسند جيد. D'après Abi Lubaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne fait pas partie de nous celui qui n'embellit pas sa voix par le Coran » Hadith rapporté par Abu Daoud. « Le grand savant, le cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, a dit ce qui est voulu de ce hadith, c'est d'embellir sa voix. D'embellir sa voix en lisant le Coran et en élevant la voix. Ce qui est voulu de ce hadith, c'est d'embellir sa voix et d'élever sa voix lors de la récitation du Coran. De même, le noble cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, a dit en commentaire de ce hadith, ce qui est voulu dans ce hadith, c'est d'embellir sa voix et non pas de chanter. قال المؤلف رحمه الله والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. L'auteur du livre, par ce chapitre, clôture cet épître qui est rempli d'enseignements tirés de versets et de hadith et de paroles de pieux prédécesseurs. On demande à Allah Azza wa Jal de rétribuer l'auteur du livre, de lui pardonner ses péchés et de lui faire miséricorde. De même, nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous faciliter la mise en pratique de ces différents versets et hadith que nous avons entendus à travers cet épître. Nous lui demandons également de nous compter parmi ceux qui prêtent l'oreille à la parole d'Allah et suivent ce qu'elle contient. Il nous demande également de nous montrer le chemin de la vérité et de nous permettre de le suivre. Nous demandons à Allah Azza wa Jal également de nous pardonner nos péchés, de nous pardonner nos fautes, de nous compter parmi ceux qui jeûnent avec foi et qui espèrent la récompense d'Allah Azza wa Jal. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.